Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Simon Bolivar, héros de l'indépendance en Amérique latine. Tout le monde connaît par cœur quelque chose de Bolivar. À l'école, il y avait des sociétés bolivariennes où les enfants dans mon collège et mon école primaire, on apprenait par cœur les discours de Bolivar. La sociologue et anthropologue d'origine vénézuélienne, Paula Vasquez-Lezama, à l'émission de Bolivar à Maduro, La descente aux enfers du Venezuela, une émission qui a été présentée à l'antenne de France Culture en 2017. Si on peut dire que Simon Bolivar est aujourd'hui encore partout au Venezuela, on peut aussi dire qu'il est très présent dans de nombreux pays d'Amérique latine. Il faut savoir que Bolivar est considéré comme le père de l'indépendance de pas moins de 6 pays latino-américains. La Bolivie, bien sûr, mais aussi le Venezuela, le Pérou, la Colombie, l'Équateur et le Panama. Simon Bolivar, Simon. La base du raisonnement de Bolivar, c'est l'unité qui est une unité linguistique, l'unité d'origine, l'unité aussi quant à l'originalité des mélanges qui existent sur le continent américain. C'est-à-dire que Bolivar essaye de théoriser le fait qu'il y a des populations d'origine très diverses, et puis il essaye de théoriser les particularités historiques de l'Amérique espagnole quand il réfléchit à l'avenir du continent. Mais toutes ces réflexions le mènent à une idée fondamentale, ce qu'on appellera parfois le rêve bolivarien, et dont on parle encore aujourd'hui comme projet politique, c'est-à-dire l'unité des nations latino-américaines. Le mot Amérique latine n'existe pas encore à ce moment-là, c'est un mot qui sera inventé dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais la chose est déjà là dans l'esprit de Bolivar. Et c'est vrai que, pour être parfaitement honnête, il faut quand même dire que la pensée de Bolivar, c'est aussi une pensée du détachement vis-à-vis de l'Europe. Simon Bolivar, raison. Sur la chanson Simone Bolivar, interprétée par Milva, vous entendiez le ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à l'émission Concordance des temps, diffusée à France Culture en novembre 2019. Pour nous raconter l'incroyable odyssée de Bolivar, je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, que représente cette figure, cette immense figure de Simon Bolivar en Amérique latine? Bien, Bolivar est le personnage historique incontournable de l'Amérique latine depuis l'indépendance. Sa mémoire est partout. Il y a le nom de deux pays, la monnaie, des villes, des places, des monuments, des romans, comme par exemple Le général dans son labyrinthe de Garcia Marquez, c'est ses derniers moments de vie, des opéras, même plus récemment une télésérie sur des plateformes en ligne. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tous les Latino-Américains connaissent très bien, qui fait partie de leur histoire. Et non seulement c'est un héros militaire de l'indépendance, parce qu'il a vraiment combattu à cheval lors de nombreuses batailles les Espagnols, et certaines ont été assez spectaculaires, mais il y a aussi celui qui a permis l'indépendance de pas moins de 6 pays, donc comme on le mentionnait. Et il a surtout incarné un grand rêve d'unité latino-américaine qui, au final, s'avérera un échec, mais ça reste quand même, il représente tout de même ce grand rêve-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que sa mémoire est à la fois récupérée par la droite conservatrice en Amérique latine et la gauche révolutionnaire, comme par exemple Chavez, qui se réclamait de Simon Bolivar. Et ça montre donc l'envergure du personnage, puisqu'il est récupéré par tout le monde, mais aussi sa complexité puis ses contradictions, parce qu'il y en a plusieurs. Il est à la fois républicain, mais il va au final accepter une présidence à vie. Il est contre l'esclavage, ce sera une de ses grandes réalisations, pour l'égalité juridique, mais craint le pouvoir des masses. Donc, c'est pas un personnage qui est simple, et c'est peut-être une des raisons qui fait que ça permet sa récupération par tous les courants politiques aujourd'hui. Oui. C'est un personnage, évidemment, qui s'inscrit aussi dans un temps précis de l'histoire latino-américaine. Parlons de ça pour commencer, parce que ça nous permettra un petit peu de voir d'où part Bolivar et ce qui va le mener à cette grande odyssée qu'on va explorer avec vous dans les minutes qui viennent. Un petit mot sur cette Amérique latine-là. À quoi ressemble l'Amérique latine dans laquelle naît et grandit Simon Bolivar? Bien, en fait, la grande époque, c'est l'époque des révolutions atlantiques qui secouent donc les régimes monarchiques souvent absolutistes là, vers la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. On parle de la Révolution américaine, Révolution française ou Révolution haïtienne qui aura une influence assez importante sur Bolivar. Et ce qu'on appelle maintenant l'Amérique latine, là, comme on le mentionnait, c'est un terme qui est créé assez récemment, au milieu du 19e siècle. C'est un immense territoire qui est encore sous l'autorité espagnole et les colonies sont vraiment des vice-royautés gouvernées par des représentants de la couronne espagnole. Donc, un modèle colonial très traditionnel et les pays que Simon Bolivar va libérer là, font partie pour la plupart là, de la Nouvelle-Grenade, donc la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade. Et il y a une approche, surtout depuis le 18e siècle, très colonialiste et absolutiste, là, autoritaire par rapport à ces colonies-là de la part de l'Espagne. Et il y a surtout une division très nette là, entre les gouvernants espagnols et les natifs de l'Amérique latine, puis même l'élite de ces natifs-là, dont fait partie Simon Bolivar. Mmh. Ceux qu'on appelle les criollos, qui sont très riches et des planteurs, mais sont regardés de haut par les représentants de la couronne espagnole. Et le moindre espagnol qui arrive dans les colonies obtient un poste dans l'administration coloniale, se sent supérieur à ses natifs de l'Amérique latine, même s'ils font partie donc de cette élite-là. Et c'est en grande partie ce qui va mettre de l'eau au moulin là, au désir d'indépendance de cette élite latino-américaine qui n'en peut plus de cette présence autoritaire donc de l'Espagne. Bon, parlons de Bolivar lui-même, de ses origines. Vous le mentionniez il y a un instant, il appartient à l'élite locale. Il naît, il faut le dire, à Caracas en 1783. À quel milieu il appartient? Quelle place occupe sa famille dans cette société coloniale latino-américaine de l'époque? En fait, il vient d'une des familles les plus riches d'Amérique du Sud. Sa famille est installée là depuis le 16e siècle. Ce sont des planteurs, ils possèdent des mines, ils possèdent beaucoup d'esclaves. Et Simon Bolivar, en fait, aura un destin particulier parce qu'il va devenir orphelin très jeune et il y aura quelques tuteurs qui vont s'occuper de son éducation. Comme il fait partie de l'élite, il a une éducation intellectuelle assez importante. Et ces tuteurs-là, dont Simon Rodriguez, auront une influence assez importante sur lui en l'initiant beaucoup à la philosophie des Lumières et au libéralisme. Alors ça va vraiment rester avec lui tout au long de sa carrière politique. Et à 16 ans, comme tout jeune homme là, issu de ces grandes familles-là, il part en Europe pour parfaire son éducation, fait un voyage en Espagne et un peu partout en Europe. Et c'est là qu'il va rencontrer sa femme, se marier à 18 ans et se revient donc à Caracas pour prendre son rôle là, de grand planteur et élite criollos. Sauf qu'il va y avoir un événement vraiment subi là, qui va changer son parcours, qui va être très marquant. Ce qui est intéressant, c'est que Simon Bolivar a beaucoup écrit. On a ses écrits, alors on voit vraiment sa réaction par rapport à ça. C'est que sa femme meurt de la fièvre jaune quelques mois après leur retour. Il est dévasté et il va vraiment... C'est comme une coupure pour lui. Il jure de ne plus jamais se remarier. Repart en Europe et lâche un peu son rôle de planteur et d'élite créole et va plutôt commencer à dévouer toute sa vie à l'indépendance de l'Amérique espagnole. Et il va vraiment y mettre toute son énergie. Hein, toutes ses actions sont orientées vers ça. Et même toute sa fortune, puisqu'il va mourir en fait pauvre en 1830, ayant consacré toutes ses ressources à l'indépendance. Et c'est au début des années 1810 que commence vraiment l'action révolutionnaire de Bolivar, au moment de la première déclaration d'indépendance du Venezuela. Quel rôle joue-t-il, Mylène Desautels, dans ce premier épisode vénézuélien? Bien, premièrement, ce qui est intéressant dans ces colonies espagnoles, c'est que le processus qui mène à l'indépendance de ces pays-là, il est complexe puis il est étalé sur plus de 20 ans. Donc, c'est pas comme aux États-Unis, par exemple, une déclaration de guerre d'indépendance avec une date là, très facile à reconnaître. Le processus s'étale environ 1808 à 1830. Et il y aura donc plusieurs déclarations d'indépendance, formation de république, reconquête espagnole, changement de stratégie. Ça va être très long et c'est vraiment progressivement que Bolivar va s'imposer dans ce processus-là comme le libertador, comme on dit en Amérique latine, donc le plus important. Et dès 1810, donc au premier mouvement au Venezuela, parce que c'est la place dont il est natif, il va donc devenir un acteur du mouvement, pas encore central. Il va déjà jouer un rôle militaire de premier plan et il montre sa vision d'unité des Amériques espagnoles, ce qui le met en contraste un peu avec d'autres qui luttent pour l'indépendance. Et Et il va donc avancer cette idée que si on veut se libérer des Espagnols, il faut absolument s'unir et surtout en faire une campagne agressive. Il appelle ça la campagne admirable et signe un décret de guerre à mort contre les Espagnols et en fait vraiment donc une lutte entre deux nations, hein, les colons latino-américains et les Espagnols. Et ça veut dire qu'il n'hésite pas à utiliser la violence contre les Espagnols pour venir à bout de cette colonisation-là. Par contre, cette première république vénézuélienne qui est déclarée sera un échec parce que quand le roi espagnol revient sur le trône, une de ses priorités, c'est de reprendre le contrôle dans les colonies et il va donc écraser ce premier mouvement indépendantiste et remettre donc en place l'autorité espagnole. Et d'ailleurs, le fait qu'il revienne à une monarchie absolue encore là, très, très stricte va vraiment donner de l'eau au moulin là, des indépendantistes pour remettre encore le rêve républicain à l'ordre du jour. Mais il reste que cet échec vénézuélien, c'est un coup dur, évidemment, pour le mouvement d'indépendance au Venezuela, pour Bolivar lui-même. Il est d'ailleurs contraint à l'exil après cet échec vénézuélien. C'est une période quand même qui est intéressante parce qu'elle nous permet de parler de sa pensée politique. C'est en exil qu'il va écrire son livre célèbre « Lettres de Jamaïque » dans lequel il présente ce qu'on appelle aujourd'hui le rêve bolivarien, ce grand rêve d'unité latino-américaine dont vous nous disiez déjà un mot il y a quelques minutes. On écoute un extrait de « Lettres de Jamaïque » lu par Pierre Vernier à l'émission de France Culture « Les chemins de la connaissance » en janvier 1987. C'est une idée grandiose que de prétendre faire de tout le Nouveau Monde une seule nation dont toutes les parties seraient liées. Puisque ces populations ont une même origine, une seule langue, une seule religion, les mêmes coutumes, elles devraient par suite n'avoir qu'un gouvernement qui fédéra les divers États constitués. Mais la chose n'est pas possible. Car des cieux différents, des situations distinctes, des intérêts contraires, des caractères dissemblables divisent l'Amérique. Certes, il serait heureux que l'isthme de Panama devînt pour nous ce que fut celui de Corinthe pour les Grecs. Plaise à Dieu que quelque jour nous ayons la fortune d'y tenir un auguste congrès des représentants de nos républiques, royaumes et empires, pour traiter et discuter des hauts intérêts de la paix et de la guerre avec les nations des trois autres parties du monde. Alors, comment décrire la vision politique de Bolivar, ce fameux rêve bolivarien dont il jette les bases justement dans son livre « Lettres de Jamaïque », Mylène Desautels? Donc, comme vous l'aviez dit, il doit s'exiler après ce premier échec-là et le retour des Espagnols. Il va d'abord en Jamaïque, puis en Haïti. Alors, il y a deux séjours assez marquants. En Jamaïque, c'est intéressant avec cette lettre-là dont on lisait un extrait, c'est qu'on voit vraiment le côté intellectuel de Bolivar. Donc, il est à la fois un héros militaire, mais il y a aussi ce côté-là. Et il est très imprégné hein, de la philosophie des Lumières, mais aussi de l'histoire classique et de la Grèce et de Rome. Il aime ça comparer là, les événements avec ce qui s'est passé dans le passé. Et on voit que là-dedans, il est quand même assez pessimiste. Il voit qu'il y a beaucoup d'obstacles pour son grand rêve d'unité, entre autres cette espèce d'état de passivité là, sans responsabilité politique aucune dans laquelle l'Espagne a laissé donc, les colonies. Et il cible ça comme un des obstacles les plus importants au processus d'indépendance, mais malgré cette espèce de pessimisme, il continue à rêver de cette grande Amérique unie avec un gouvernement central fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que durant cet exil-là, notamment en Haïti, il espère le soutien financier et militaire des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, ce qu'il n'obtiendra pas. Et c'est plutôt la jeune République haïtienne, nouvellement indépendante, qui va vraiment soutenir une expédition militaire de Bolivar. Donc, un soutien qui est technique, financier, qui est en homme aussi pour la cause indépendantiste. Et le président Alexandre Pétion, le président d'Haïti, demande par contre à Bolivar de s'engager pour abolir l'esclavage. Et ce sera une des promesses qui sera tenue et qui est une des plus grande réalisation. Bolivar, dans ses écrits, c'est très intéressant, et il dit qu'il ne faut pas oublier qu'Alexandre Pétion est le vrai libérateur de mon pays. C'est quand même une reconnaissance très, très marquante et qui est des fois un peu évacuée de l'histoire. Et donc, avec ce soutien-là, avec cette réflexion qu'il a fait, il prépare une expédition qui va là mener à la formation de la Grande Colombie, qui réunit d'abord le Venezuela, l'Équateur et la Colombie, puis éventuellement le Pérou et la Bolivie. Et cette formation de la Grande Colombie, c'est par les armes, en fait, qu'elle se fera. On y revient à ce héros militaire que vous évoquiez il y a un instant. Parlez-nous de ce côté-là, du Bolivar, héros militaire, justement. Oui. En fait, il est non seulement un héros militaire, mais aussi très stratégique. Pour Bolivar, là, le seul moyen de vaincre les forces royalistes, et surtout éviter leur éternel retour, parce que c'est ça le problème, on gagne, mais après ça, l'Espagne revient, c'est l'union des forces. Et donc, il va vraiment créer des alliances, parfois un peu contre nature, pour atteindre ce but-là. Et il va donc, avec les commandements militaires régionaux, créer d'abord une grande Colombie avec un gouvernement central fort pour défendre ses frontières et qui, là, doit conquérir le territoire, évidemment. Hein. C'est pas juste de déclarer l'indépendance. Après ça, il faut en faire une réelle conquête. Et donc, il va aller tisser des alliances, par exemple, avec les Llaneros, qui sont des espèces de cow-boys des plaines de la Nouvelle-Grenade, qui sont souvent des descendants d'Autochtones ou de Créoles, et qui sont plutôt dans le pillage que le projet politique, mais il va les récupérer de son bord, et ça va être vraiment une alliance militaire très profitable pour Bolivar. Même chose pour la Grande-Bretagne. On n'a réussi pas à avoir l'appui officiel de la Grande-Bretagne, mais il va obtenir la participation de nombreux volontaires de la Légion étrangère. Et ça aussi, là, militairement, ça va vraiment faire une différence. Et donc, avec ces alliances-là, cette force militaire constituée, il va réussir, avec quelques batailles spectaculaires, morceau par morceau, à libérer les colonies espagnoles. Et il va y avoir du génie militaire là-dedans aussi. Il va décider, pour prendre les troupes royalistes par surprise, de faire un passage à travers les Andes, où il doit traverser la chaîne de montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude, en plein hiver là-bas, c'est notre été à nous. Et pour prendre, donc, réussir à traverser, ça va évidemment, il va perdre beaucoup d'hommes, du matériel aussi, mais il va réussir à arriver derrière les troupes royalistes, les prendre par surprise et aller libérer Bogota, après la bataille de Boyaca, qui est vraiment un de ses grands exploits militaires, alors qu'il est presque toujours en sous-nombre par rapport aux troupes royalistes. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça augmente l'aura là, de Simon Bolivar. C'est un petit homme, hein? Il a une toute petite stature, il n'est pas très grand, mais il a une énergie incroyable. On dit qu'il a au moins livré 100 batailles, dont 79 majeures, et on calcule qu'il a parcouru au moins 70 000 km à cheval. Donc, on voit toute l'énergie qu'il met à ce processus de libération des colonies espagnoles. Et c'est avec cette victoire militaire qu'il réussit à faire l'indépendance de cette grande Colombie. C'est important parce que c'est pour lui une espèce d'âge d'or. Il réalise avec l'indépendance de cette grande Colombie son rêve d'unité latino-américaine. Mais ce rêve-là, Mylène Desautels, ne va pas durer très, très longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, effectivement. Donc, dès 1821, il crée un premier embryon de la nouvelle Colombie, de la Grande Colombie, pardon, avec le Venezuela, l'Équateur et ce qu'on appelle aujourd'hui la Colombie, et va se joindre à ça à partir de 1824, le Pérou et la Bolivie, qui était le Haut-Pérou, mais qui est renommée, donc, en son honneur. Donc, c'est vraiment un immense territoire avec des disparités quand même assez importantes, et ça ne durera pas très longtemps parce que une fois que les Espagnols renonce à la reconquête, les forces centrifuges vont s'imposer et le territoire est immense, accidenté, on est en plein cœur des Andes, très diversifié et beaucoup, beaucoup de forces régionales qui sont jalouses de leur indépendance. Et face à ça, face à ces forces centrifuges, Bolivar va essayer d'imposer un gouvernement central fort, mais même peu démocratique. Il va aller vraiment vers l'autoritarisme. Par exemple, il accepte la présidence à vie, un Sénat nommé à vie, il donne un droit de vote, mais très limité. Donc, il est vraiment théoriquement pour l'égalité, pour la liberté, mais en réalité très peu démocrate. Et donc, on va l'accuser de plus en plus de trahir ses propres idéaux républicains. Alors, il y aura même une tentative d'assassinat contre lui en 1828, donc un complot organisé pour se débarrasser de celui qu'on juge qu'il redevient un peu un souverain absolutiste. Et il est sauvé de justesse, d'ailleurs, par sa maîtresse Manuela Sáenz, qui l'encourage à fuir la chambre où il est réfugié et non pas affronter ses assaillants. Et c'est cette fuite-là qui lui sauve la vie. Et face à cette opposition grandissante, bien, Bolivar, son réflexe, c'est d'user d'autorité et de répression. Entre autres, des procès très, très vite faits, des exécutions sommaires, donc des contestataires. Et cet événement-là de tentative d'assassinat et de répression, ça augmente encore plus la fracture, notamment entre les néo-grenadins, ou ceux qu'on appelle les Colombiens aujourd'hui, qui sont plutôt partisans de tasser Bolivar, et les Vénézuéliens, qui sont plutôt partisans de garder Bolivar. Et dans ce contexte, il va avoir encore un autre geste qui le met encore une fois un peu à part dans ces grands leaders-là. un peu pour sauver la République, il va décider de démissionner. Et donc, il renonce à sa présidence à vie pour le bien de la République. Et il fait un discours où il dit qu'il le souhaite vivement, là. Il dit « Je vous demande, je vous supplie de maintenir l'unité de la Grande-Colombie. » Mais malgré cette supplication-là, ça ne marchera pas. L'Union est dissous dès 1831. Et là, ça va laisser la place aux pays qu'on connaît, là, Colombie, Venezuela, Pérou, Bolivie, Équateur, puis éventuellement le Panama au début du 20e siècle. Et en plus, ça va ouvrir en plus une porte sur toutes sortes de conflits régionaux entre les libéraux et les conservateurs, et ça va être l'émergence de ceux qu'on appelle les caudillos, donc les hommes forts, hein, peu démocratiques, qui vont s'imposer. Et Bolivar meurt, lui, en 1830, mais évidemment, on l'évoquait dès le début de l'émission, il reste bien présent dans la mémoire de nombreux pays d'Amérique latine. Que grande eres, padre Bolivar! Que grande seras para siempre! Comme notre père Simon Bolivar était grand, et grand il le sera pour toujours. Il était impossible en vérité entre 1810, 1820, 1830, il était impossible sur cette terre de faire une révolution sociale. Les conditions n'étaient pas réunies, mais lui, comme s'il venait d'une autre planète, il a essayé de faire l'impossible. Et un jour, Simon Bolivar a écrit « Le plus grand jour de l'Amérique est arrivé ». Il a préféré le martyr. Il a fait ce qui était juste, il a fait ce qu'un vrai révolutionnaire doit faire, il a fait comme le Christ, porter la croix sur le chemin du calvaire. Voilà. On vient d'entendre avec cet extrait d'un discours d'Hugo Chavez en 2010. La mémoire de Simon Bolivar est donc encore très, très présente en Amérique latine. Et son héritage, on se le dispute, en fait. Autant du côté des gens qui sont à gauche qu'à droite, la mémoire de Bolivar, tout le monde se réclame. Les politiciens sont nombreux à se réclamer de la figure de Simon Bolivar. Que dire, Mylène Desautels, pour terminer cette émission, du mythe, justement, de Bolivar en Amérique latine, de ce qu'il est devenu, ce mythe-là, au fil du temps? Bien, comme vous le dites, il est récupéré vraiment à droite et à gauche, notamment son patriotisme. Hein, c'est lui un peu cette idée que l'Amérique latine forme une nation à part. Et il est récupéré par la gauche révolutionnaire, comme Chavez, qu'on entendait, qui va même, dans un grand spectacle en 2011, faire déterrer les restes du corps de Simon Bolivar pour procéder à une analyse montrant qu'il a en fait été assassiné. C'est tout un spectacle, mais tout le pays est rivé à la radio en écoutant donc Chavez. C'est pas Chavez, c'est son ministre de l'Intérieur, commenter donc cet événement-là. Donc, on voit comment, à quel point récupérer presque littéralement Bolivar, parce que c'est très profitable au niveau politique. Tout le monde se reconnaît dans cette personne-là. Et partout ailleurs dans le monde, on a des monuments en son honneur, Londres, Ottawa, Alger, Moscou, nommez-les, hein, les grandes villes reconnaissent donc ce personnage-là, et peu de personnages historiques ont un tel rayonnement. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Merci beaucoup, Mylène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.